J'ai compensé jour après jour, me perce et me ronge, ma triste et me plaît. J'ai comme de retrait, tout en dessous qui me plonge, chaque jour dans mes sous, venir qui me creuse. J'ai comme l'impression qu'il me manque quelque chose, de mon âme je m'engouffre et me perds dans le tout. J'ai comme l'impression que mes sens se déposent, de la foi dans les larmes jusqu'aux dernières douilles. J'ai comme l'impression d'être tombé de haut, que le choc a fini par nous tuer d'assou. J'ai comme l'impression d'être jeté comme une porte qui se claque et finit devant nous. J'ai comme l'impression que nos cœurs se sont percés, se remplissent, s'attristent et s'écoulent. J'ai comme l'impression d'être plus que brisé, je supporte mes efforts, mon amour je m'étouffe. J'ai comme pensé jour après jour, me perce et me ronge, ma triste et me plaît. J'ai comme de retrait, tout en dessous qui me plonge, chaque jour dans mes sous, venir qui me creuse. J'ai comme pensé jour après jour, me perce et me ronge, ma triste et me plaît. J'ai comme de retrait, tout en dessous qui me plonge, chaque jour dans mes sous, venir qui me creuse. J'ai comme l'impression qu'une souffrance me reste dans le cœur, que je suis lassé de vivre et de souffrir. J'ai comme que les minutes sont des heures, que les jours sont des nids, de mes peurs je les vis dans la tête. J'ai comme l'impression d'être plus rien, d'être seul sans ce lien qui nous tient comme nous relie. J'ai comme l'impression d'être vidé, qu'il me manque ce détail pour me vivre comme exister. J'ai comme l'impression que notre monde s'écroule, que notre amour retombe à tort et coule. J'ai comme malgré tout ce qu'on a fait, malgré tous ces PGGS, malgré tout ce qu'on s'apporte et donne. J'ai comme pensé jour après jour, me perce et me ronge, ma triste et me plaît. J'ai comme de retrait, tout en dessous qui me plonge, chaque jour dans mes sous, venir qui me creuse. J'ai comme pensé jour après jour, me perce et me ronge, ma triste et me plaît. J'ai comme de retrait, tout en dessous qui me plonge, chaque jour dans mes sous, venir qui me creuse. J'ai comme des pensées qui jour après jour me perce et me ronge, ma triste et me plaît. J'ai comme des regrets tout en dessous qui me plonge, chaque jour dans mes sous, venir qui me creuse. J'ai comme